soit à Dieu notre Père, gloire soit à son Fils Jésus, gloire soit à son Esprit Saint, dans les lieux très hauts, gloire soit au Dieu trois fois saint, gloire soit à Jésus l'agneau, gloire soit à son Esprit Saint, dans les lieux. Gloire soit à Dieu notre Père, gloire soit à son Fils Jésus, gloire soit à son Esprit Saint, dans les lieux très hauts, gloire soit au Dieu trois fois saint, gloire soit à Jésus l'agneau. Gloire soit à son Esprit Saint, dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts, les armées éternelles, du très haut dans le ciel, avec les milliers d'anges, chante à tous les échos. Son Esprit Saint.